Chapitre 23 Des essais de Montaigne Livre 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Essai par Michel Ekem de Montaigne Livre 1 Chapitre 23 Divers événements de même conseil Jacques Amyot, grand aumônier de France, me récita un jour cette histoire à l'honneur d'un prince des nôtres, et nôtre était-il à très bonne enseigne, encore que son origine fût étrangère, que durant nos premiers troubles, au siège de Rouen, ce prince ayant été averti par la reine-mère du roi d'une entreprise qu'on faisait sur sa vie, et instruit particulièrement par ses lettres de celui qui la devait conduire à chef. Qui était un gentilhomme angevin, ou Monceau, fréquentant leur ordinairement pour cet effet la maison de ce prince. Il ne communiquait à personne cet avertissement, mais se promenant le lendemain au Mont-Sainte-Catherine, d'où se faisait notre batterie à Rouen, car c'était au temps que nous la tenions assiégée, ayant à ses côtés le dit seigneur, grand aumônier, et un autre évêque, il aperçut ce gentilhomme qui lui avait été remarqué et le fit appeler. Comme il fut en sa présence, il lui dit ainsi, le voyant déjà pâlir et frémir des alarmes de sa conscience. « Monsieur, de tel lieu, vous vous doutez bien de ce que je vous veux, et votre visage le montre. Vous n'avez rien à me cacher, car je suis instruit de votre affaire si avant, que vous ne feriez qu'empirer votre marché d'essayer à le couvrir. Vous savez bien telle chose et telle, qui étaient les tenants et les aboutissants des plus secrètes pièces de cette menée, ne faillez, sur votre vie, à me confesser la vérité de tout ce dessein. Quand ce pauvre homme se trouva pris et convaincu, car le tout avait été découvert à la reine par l'un des complices, il n'eut qu'à joindre les mains et requérir la grâce et miséricorde de ce prince, au pied duquel il se voulut jeter. Mais il en garda, suivant ainsi son propos. « Venez ça, vous ai-je autrefois fait des plaisirs? Ai-je offensé quelqu'un des vôtres par haine particulière? Il n'y a pas 3 semaines que je vous connais. Quelle raison vous a pu mouvoir à entreprendre ma mort ?» Le gentilhomme répondit à cela d'une voix tremblante que ce n'était aucune occasion particulière qu'il en eût, mais l'intérêt de la cause générale de son parti, et qu'aucun lui avait persuadé que ce serait une exécution pleine de piété, d'extirper, en quelque manière que ce fût, un si puissant ennemi de leur religion. Or, suivit ce prince, je vous veux montrer combien la religion que je tiens est plus douce que celle de quoi vous faites profession. La vôtre vous a conseillé de me tuer sans mourir, n'ayant reçu de moi aucune offense, et la mienne me commande que je vous pardonne, tout convaincu que vous êtes de m'avoir voulu tuer sans raison. Allez-vous-en, retirez-vous, que je ne vous vois plus ici. Et si vous êtes sage, prenez dorénavant en vos entreprises des conseillers plus gens de bien que ceux-là. » L'empereur Auguste, étant en la Gaule, reçut certain avertissement d'une conjuration que lui brassait Elcina. Il délibéra de s'en venger et manda pour cet effet au lendemain le conseil de ses amis. Mais la nuit, d'entre deux, il la passa avec grande inquiétude, considérant qu'il avait à faire mourir un jeune homme de bonne maison et neveu du grand Pompéius, et produisait en se plaignant plusieurs divers discours. « Quoi donc, disait-il, serait-il vrai que je demeurerais en crainte et en alarme, et que je laisserais mon meurtrier se promener, cependant, à son aise? S'en ira-t-il quitte, ayant assailli à ma tête que j'ai sauvé de tant de guerres civiles, tant de batailles par mer et par terre, et après avoir établi la paix universelle du monde? Sera-il absous, ayant délibéré non de me meurtrir seulement, mais de me sacrifier, car la conjuration était faite de le tuer comme il ferait quelque sacrifice? Après cela, s'étant tenu coi quelques espaces de temps, il recommençait d'une voix plus forte et s'en prenait à soi-même. « Pourquoi vis-tu, s'il importe à tant de gens que tu meurs? N'y aurait-il point de fin à tes vengeances et à tes cruautés? Ta vie vaut-elle que tant de dommages se fassent pour la conserver ?» Livia, sa femme, se sentant en ses angoisses, « Et les conseils des femmes y seront-ils reçus ?» lui dit-elle. « Fais ce que font les médecins. Quand les recettes accoutumées ne peuvent servir, ils en essayent de contraire. Par sévérité, tu n'as jusqu'à 7 heures rien profité. » Lépidus a suivi Salvidienus. Murena, Lépidus, Capio, Murena, Ignatius, Capio. Commence à expérimenter comment te succéderont la douceur et la clémence. Sina est convaincue. Pardonne-lui de te nuire désormais. Il ne pourra et profitera à ta gloire. Auguste fut bien aise d'avoir trouvé un avocat à son humeur et ayant remercié sa femme et contremandé ses amis qu'il avait assignés au conseil, commanda qu'on fît venir à lui Sina tout seul. Et ayant fait sortir tout le monde de sa chambre et fait donner un siège à Sina, il lui parla en cette manière. « En premier lieu, je te demande, Sina, paisible audience, n'interromps pas mon parler. Je te donnerai temps et loisir d'y répondre. Tu sais, Sina, que t'ayant pris au camp de mes ennemis, non seulement t'étant fait mon ennemi, mais étant né tel, je te sauvais. Je te mis entre mains tes biens. Je t'ai enfin rendu si accommodé et si aisé que les victorieux sont envieux de la condition du vaincu. L'office du sacerdoce que tu me demandas, je te l'octroyais, l'ayant refusé à d'autres, desquels les pères avaient toujours combattu avec moi. T'ayant si fort obligé, tu as entrepris de me tuer. » À quoi Sina s'étant écrié qu'il était bien éloigné d'une si méchante pensée. « Tu ne me tiens pas, Sina, ce que tu m'avais promis, suivit Auguste, tu m'avais assuré que je ne serais pas interrompu. Oui, tu as entrepris de me tuer en tel lieu, tel jour, en telle compagnie et de telle façon. » En le voyant transi de ses nouvelles et en silence, non plus pour tenir le marché de ses terres, mais de la presse de sa conscience, « Pourquoi, ajusta-t-il, le fais-tu ? Est-ce pour être empereur? Vraiment, il va bien mal à la chose publique, s'il n'y a que moi qui t'empêche d'arriver à l'Empire. Tu ne peux pas seulement défendre ta maison et perdis dernièrement un procès par la faveur d'un simple libertin. Quoi? N'as-tu moyen ni pouvoir en autre chose qu'à entreprendre César? Je le quitte, s'il n'y a que moi qui empêche tes espérances. Penses-tu que Paulus, que Fabius, que les Cosséens et Serviliens te souffrent, et une si grande troupe de nobles, non seulement nobles de nom, mais qui par leur vertu honorent leur noblesse ? Après plusieurs autres propos, car il parlait à lui plus de 2 heures entières, « Or, va, lui dit-il, je te donne, Sina, la vie à traître et à parricide, que je te donnais autrefois à ennemi. Que l'amitié commence de ce jour-ci, entre nous. Essayons, qui de nous deux, de meilleure foi, moi t'ai donné ta vie, ou tu l'as reçue. » Et c'était parti d'avec lui en cette manière. Quelque temps après, il lui donna le consulat, se plaignant de quoi il ne le lui avait osé demander. Il l'eut depuis pour fort ami et fut seul fait par lui héritier de ses biens. Or, depuis cet accident, qui advient à Auguste au 40e an de son âge, il n'y eut jamais de conjuration ni d'entreprise contre lui, et reçut une juste récompense de cette sienne clémence. Mais il n'advint pas de même au nôtre, car sa douceur ne le sut garantir qu'il ne sut depuis au lac de pareille trahison, tant c'est chose vaine et frivole que l'humaine prudence. Et au travers de tous nos projets, tous nos conseils et précautions, la fortune maintient toujours la possession des événements. Nous appelons les médecins heureux quand ils arrivent à quelque bonne fin, comme s'il n'y avait que le rare qui ne se put maintenir d'elle-même et qui n'eut les fondements trop frêles pour s'appuyer de sa propre force, et comme s'il n'y avait qu'elle qui ait besoin que la fortune prête la main à ses opérations. Je crois d'elle tout le pis ou le mieux qu'on voudra, car nous n'avons, Dieu merci, nul commerce ensemble. Je suis au rebours des autres, car je la méprise bien toujours. Mais quand je suis malade, au lieu d'entrer en composition, je commence encore à la haïr et à la craindre, et réponds à ceux qui me pressent de prendre médecine qu'ils attendent au moins que je sois rendu à mes forces et à ma santé pour avoir plus de moyens de soutenir l'effort et le hasard de leur breuvage. Je laisse faire nature et présuppose qu'elle se soit pourvue de dents et de griffes pour se défendre des assauts qui lui viennent et pour maintenir cette contexture de quoi elle fuit la dissolution. Je crains, au lieu de l'aller secourir, ainsi comme elle est aux prises bien étroites et bien jointes avec la maladie, qu'on secoure son adversaire au lieu d'elle et qu'on la recherche de nouveaux affaires. Or, je dis que, non en la médecine seulement, mais en plusieurs arts plus certaines, la fortune y a bonne part. Les saillies poétiques qui emportent leur auteur et le ravissent hors de soi, pourquoi ne les attribuerons-nous à son bonheur, puisqu'il confesse lui-même qu'elles surpassent sa suffisance et ses forces, et les reconnaît venir d'ailleurs que de soi, et ne les avoir aucunement en sa puissance, non plus que les orateurs ne disent avoir en la leur ces mouvements et agitations extraordinaires qui les poussent au-delà de leur dessein. Il en est de même en la peinture, qu'il échappe parfois des traits de la main du peintre, surpassant sa conception et sa science, qui le tire lui-même en admiration et qui l'étonne. Mais la fortune montre bien encore plus évidemment la part qu'elle a en tous ses ouvrages, par les grâces et beautés qui s'y trouvent non seulement dans l'intention, mais sans la connaissance même de l'ouvrier. Un suffisant lecteur découvre souvent dans les esprits d'autrui des perfections autres que celles que l'auteur y a mises et aperçues, et y prête des sens et des visages plus riches. Quant aux entreprises militaires, chacun voit comment la fortune y a bonne part. En nos conseils même, et en nos délibérations, il faut certes qu'il y ait du sort et du bonheur mêlés parmi, car tout ce que notre sagesse peut, ce n'est pas grand-chose. Plus elle est aiguë et vive, plus elle trouve en soi de faiblesse, et se défie d'autant plus d'elle-même. Je suis de la vie de Sia, et quand je me prends garde de près aux plus glorieux exploits de la guerre, je vois, ce me semble, que ceux qui les conduisent n'y emploient la délibération et le conseil que par acquis, et que la meilleure part de l'entreprise, ils abandonnent à la fortune, et, sur la fiance qu'ils ont à son secours, passent à tous les coups au-delà des bornes de tout discours. Il survient des allégresses fortuites et des fureurs étrangères parmi leurs délibérations, qui les pousse le plus souvent à prendre le parti le moins fondé en apparence et qui grossissent leur courage au-dessus de la raison. D'où il est advenu à plusieurs grands capitaines anciens, pour donner crédit à ces conseils téméraires, d'alléguer à leurs gens qu'ils y étaient conviés par quelque inspiration, par quelque signe et pronostic. Voilà pourquoi, en cette incertitude et perplexité que nous apporte l'impuissance de voir et choisir ce qui est le plus commode, pour les difficultés que les divers accidents et circonstances de chaque chose tirent, le plus sûr, quand autre considération ne nous y convierait, est à mon avis de se rejeter au parti où il y a le plus d'honnêteté et de justice. Et puisqu'on est en doute de plus court chemin, tenir toujours le droit, comme en ces deux exemples que je viens de proposer. Il n'y a point de doute qu'il ne fût plus beau et plus généreux à celui qui avait reçu l'offense de la pardonner que s'il l'eût fait autrement. S'il en est mésadvenu au premier, il ne s'en faut pas prendre à ce sien bon dessein. Et ne sait-on, quand il eût pris le parti contraire, s'il eût échappé à la fin à laquelle son destin l'appelait et s'il eût perdu la gloire d'une telle humanité. Il se voit, dans les histoires, force gens en cette crainte, d'où la plupart ont suivi le chemin de courir au-devant des conjurations qu'on faisait contre eux, par vengeance et par supplice. Mais j'en vois fort peu auxquels ce remède est servi, témoin tant d'empereurs romains. Celui qui se trouve en ce danger ne doit pas beaucoup espérer ni de sa force ni de sa vigilance, car combien est-il mal aisé de se garantir d'un ennemi qui est couvert du visage du plus officieux ami que nous ayons, et de connaître les volontés et pensements intérieurs de ceux qui nous assistent. Il a beau employer des nations étrangères pour sa garde et être toujours sein d'une haie d'hommes armés, quiconque aura sa vie à mépris se rendra toujours maître de celle d'autrui. Et puis, ce continuel soupçon qui met le prince en doute de tout le monde lui doit servir d'un merveilleux tourment. Pourtant, Dion, étant averti que Callippus espiait les moyens de le faire mourir, n'eut jamais le cœur d'en informer, disant qu'il aimait mieux mourir que vivre en cette misère d'avoir à se garder, non de ses ennemis seulement, mais aussi de ses amis, ce qu'Alexandre représenta bien plus vivement par effet, et plus raidement, quand ayant eu avis, par une lettre de Parménion, que Philippus, son plus cher médecin, était corrompu par l'argent de Darius pour l'empoisonner. En même temps qu'il donnait à lire sa lettre à Philippus, il avala le breuvage qu'il lui avait présenté. Fût-ce pas exprimé cette résolution que si ses amis le voulaient tuer, il consentait qu'il le puisse faire? Ce prince est le souverain patron des actes hasardeux. Mais je ne sais s'il y a trait en sa vie qui ait plus de fermeté que celui-ci, ni une beauté illustre par tant de visages. Ceux qui prêchent au prince la défiance si attentive, sous couleur de leur prêcher leur sûreté, leur prêchent leur ruine et leur honte. Rien de noble ne se fait sans hasard. J'en sais un, de courage et très martial, de sa complexion, et entreprenant, de qui tous les jours on corrompt la bonne fortune par telle persuasion. Qu'il se resserre entre les siens, qu'il n'entende à aucune réconciliation de ses anciennes ennemies, se tienne à part et ne se commette entre mains plus fortes quelque promesse qu'on lui fasse, quelque utilité qu'il y voie. J'en connais un autre qui a inespérément avancé sa fortune pour avoir pris conseil tout contraire. La hardiesse, de quoi il cherche si avidement la gloire, se représente quand il est besoin, aussi magnifiquement en pourpoint qu'en armes, en un cabinet qu'en un champ, le bras pendant que le bras levé. La prudence si tendre et circonspect est mortel ennemi de hautes exécutions. Scipion sut, pour pratiquer la volonté de Syphax, quittant son armée et abandonnant l'Espagne, douteuse encore sous sa nouvelle conquête, passer en Afrique dans deux simples vaisseaux pour se commettre en terre ennemie à la puissance d'un roi barbare, à une fois inconnu, sans obligation, sans otage, sous la seule sûreté de la grandeur de son propre courage, de son bonheur et de la promesse de ses hautes espérances. Habita fides ipsam plerunque fidem obligat. À une vie ambitieuse et fameuse, il faut, au rebours, prester peu et porter la bride courte aux soupçons. La crainte et la défiance attirent l'offense et la convient. Le plus défiant de nos rois établit ses affaires principalement pour avoir volontairement abandonné et commis sa vie et sa liberté entre les mains de ses ennemis, montant avoir entière fiance d'eux, afin qu'ils la prissent de lui. À ses légions mutinées et armées contre lui, César opposait seulement l'autorité de son visage et la fierté de ses paroles, et se fiait tant à soi et à sa fortune qui ne craignait point de s'abandonner et commettre à une armée séditieuse et rebelle. Stetit agere fultus, sespitis intrepidus vulto, meruit Quic timeri, nil metuens. Mais il est vrai que cette forte assurance ne se peut représenter bien entière et naïve que par ceux auxquels l'imagination de la mort et du pis qui peut advenir après tout ne donne point d'effroi. Car de la présenter tremblante encore, douteuse et incertaine, pour le service d'une importante réconciliation, ce n'est rien faire qui vaille. C'est un excellent moyen de gagner le cœur et volonté d'autrui, de s'y aller soumettre et fier, pourvu que ce soit librement et sans contrainte d'aucune nécessité, et que ce soit en condition qu'on y porte une fiance pure et nette, le front au moins déchargé de tout scrupule. Je vis, en enfance, un gentilhomme, commandant à une grande ville, empressé à l'émotion d'un peuple furieux. Pour éteindre ce commencement de trouble, il prit parti de sortir d'un lieu très assuré où il était, et se rendre à cette tourbe mutine, d'où mal lui prit, et y fut misérablement tué. Mais il ne me semble pas que sa faute fût tant d'être sorti, ainsi qu'ordinairement on le reproche à sa mémoire, comme ce fut d'avoir pris une voie de soumission et de mollesse, et d'avoir voulu endormir cette rage plutôt en suivant qu'en guidant, en requérant plutôt qu'en remontrant, et estime qu'une gracieuse sévérité, avec un commandement militaire plein de sécurité et de confiance, convenable à son rang et à la dignité de sa charge, lui eût mieux succédé, au moins avec plus d'honneur et de bienséance. Il n'est rien de moins espérable de ce monstre ainsi agité que l'humanité et la douceur. Il recevra bientôt plus tôt la révérence et la crainte. Je lui reprocherai aussi qu'ayant pris une résolution plutôt brave à mon gré que téméraire, de se jeter faible et en pourpoint, ait mis cette mer tempestueuse d'hommes insensés. Il la devait avaler toute et n'abandonner ce personnage, au lieu qui lui advint, après avoir reconnu le danger de près, de saigner du nez et d'altérer encore depuis cette contenance démise et flatteuse, qu'il avait entreprise en une contenance effroyée, chargeant sa voix et ses yeux d'étonnement et de pénitence, cherchant à coniller et à se dérober. Il les enflamma et appela sur soi. On délibérait de faire une montre générale de diverses troupes en armes. C'est le lieu des vengeances secrètes, et n'est point où, en plus grande sûreté, on les puisse exercer. Il y avait public et notoire apparence qui ne faisait pas fort bon pour aucun, auquel touchait la principale et nécessaire charge de les reconnaître. Il s'y proposa divers conseils, comme en chose difficile et qui avait beaucoup de poids et de suite. Le mien fut qu'on évitât surtout de donner aucun témoignage de ce doute, et qu'on s'y trouvât et me la parmi les fils, la tête droite et le visage ouvert, et qu'au lieu d'en retrancher aucune chose, à quoi les autres opinions visaient le plus, au contraire, l'on sollicita les capitaines d'avertir les soldats de faire leur salve belle et gaillarde, en l'honneur des assistants, et n'épargner leur poudre. Cela servit de gratification envers ces troupes suspectes, et engendra dès lors en avant une mutuelle et utile confiance. La voix qui tint Jules César, je trouve que c'est la plus belle qu'on y puisse prendre. Premièrement, il essaya, par clémence, à se faire aimer de ses ennemis même, se contentant, aux conjurations qui lui étaient découvertes, de déclarer simplement qu'il en était averti. Cela fait, il prit une très noble résolution d'attendre sans effroi et sans sollicitude ce qui lui en pourrait advenir, s'abandonnant et se remettant à la garde des dieux et de la fortune, car certainement c'est l'état où il était quand il fut tué. Un étranger, ayant dit et publié partout qu'il pourrait instruire Dionysius, tyran de Syracuse, d'un moyen de sentir et découvrir en toute certitude les parties que ses sujets machineraient contre lui, s'il lui voulait donner une pièce d'argent, Dionysius, en étant averti, le fit appeler à soi, pour s'éclaircir d'une art si nécessaire à sa conservation. Cet étranger lui dit qu'il n'y avait pas d'autre art, sinon qu'il lui fit délivrer un talent, et se vanta d'avoir appris de lui un singulier secret. Dionysius trouva cette invention bonne et lui fit compter 600 écus. Il n'était pas vraisemblable qu'il eût donné si grande somme à un homme inconnu qu'en récompense d'un très utile apprentissage, et servait cette réputation à tenir ses ennemis en crainte. Pourtant, les princes sagement publient les avis qu'ils reçoivent des menées qu'on dresse contre leur vie, pour faire croire qu'ils sont bien avertis, et qu'il ne se peut rien entreprendre de quoi ils ne sentent le vent. Le duc d'Athènes fit plusieurs sottises en l'établissement de sa fraîche tyrannie sur Florence, mais celle-ci la plus notable. Qu'ayant reçu le premier avis des monopoles que ce peuple dressait contre lui par Matteo di Morozzo, complice d'Icelle, il le fit mourir pour supprimer cet avertissement et ne faire sentir qu'aucun en la ville s'ennuya de sa domination. Il me souvient avoir lu autrefois l'histoire de quelques Romains, personnages de dignité, lequel, fuyant la tyrannie du triumvirat, avait échappé 1000 fois les mains de ceux qui le poursuivaient, par la subtilité de ses inventions. Il advint un jour qu'une troupe de gens de cheval, qui avait charge de le prendre, passa tout joignant un allié où il s'était tapis, et faillit de le découvrir. Mais lui, sur ce point-là, considérant la peine et les difficultés auxquelles il avait déjà si longtemps duré, pour se sauver des continuelles et curieuses recherches qu'on faisait de lui partout, le peu de plaisir qu'il pouvait espérer d'une telle vie, et combien il lui valait mieux passer une fois le pas, que demeurer toujours en cette transe, lui-même les rappela et leur trahit sa cachette, s'abandonnant volontairement à leur cruauté, pour ôter eux et lui d'une plus longue peine. D'appeler les mains ennemies, c'est un conseil un peu gaillard. Si crois-je qu'encore vaudrait-il mieux le prendre que de demeurer en la fièvre continuelle d'un accident qui n'a point de remède. Mais puisque les provisions qu'on y peut apporter sont pleines d'inquiétude et d'incertitude, il vaut mieux d'une belle assurance se préparer à tout ce qui en pourrait advenir et tirer quelque consolation de ce qu'on n'est pas assuré qu'il advienne. Fin du chapitre 23, Luparagnès, Obi 2024.